sous les platanes de la rue Bastogne. Je me souviens, Marina, tu m'emmenais au ciné des Gones voir Nestor et Bianca. Moi qui étais haut comme deux pommes, je te lâchais pas les doigts. Tu m'avais filé ton chewing-gum, ma grande sœur, ma Marina. Et au carrefour de la rue Bastogne, je me souviens, Marina, un moustachu, un drôle de bonhomme, se plante soudain devant toi. Dis, ma petite, t'es mignonne, et tu viendrais pas chez moi. Moi j'en avale mon chewing-gum, et toi tu prends ta grosse voix. Et dis-moi monsieur, tu me prends pour qui? Je ne suis pas de celles qu'on se farcit. Je te permets pas de me parler comme ça, surtout devant mon petit frangin qui est là. Monsieur, tu m'as l'air d'un drôle d'abruti. Moi les machos j'en mange tous les midis. Ça se croit costaud et ça se prend pour le roi, mais ça n'a rien dans les rutabaga. Les passants font comme un forum autour de nous, Marina. Le moustachu aussitôt dégomme, jurant qu'on ne l'y reprendrait pas. Et le soir dans mon lit de gnome, sous ma cabane de drap, mes héros c'étaient pas des hommes, et ni Nestor et ni Bianca. Et dis-moi monsieur, tu me prends pour qui? Je ne suis pas de celles qu'on se farcit. Je te permets pas de me parler comme ça, surtout devant mon petit frangin qui est là. Monsieur, tu m'as l'air d'un drôle d'abruti. Moi les machos, j'en mange tous les minis. Ça se croit costaud et ça se prend pour le roi, mais ça n'a rien dans les rutabaga. Aujourd'hui que tu fais la bonne, ma petite Marina, pour ton mari à qui tu pardonnes même les coups les plus bas, ces soirées où sans vergogne il t'envoie paître devant moi. Souviens-toi de la rue Bastogne, rappelle-toi Marina. Et dis-moi monsieur, tu me prends pour qui? Je ne suis pas de celles qu'on se farcit. Je te permets pas de me parler comme ça, surtout devant mon petit frangin qui est là. Monsieur, tu m'as l'air d'un drôle d'abruti. Moi les machos j'en mange tous les midis. Ça se croit costaud et ça se prend pour le roi, mais ça n'a rien dans les rutabagas.